Chapitre 10 Erzo. Trois mois passèrent paisiblement au château, où la cohabitation du couple d'Elbard avec Léon Duvillier et sa fille Clémence se déroula en toute harmonie, dans un climat de paix et de sérénité. Tout ce petit monde avait su développer des liens quasi familiaux et une proximité indéfectible. Le jour fatidique pour récupérer le poste radio de longue portée était enfin arrivé. Le mardi 18 avril 1944, aux aurores, le docteur Duvillier sortit sa berline du garage, située au fond du parc, et fit le plein d'essence avec un vieux jerrycan militaire. Il fixa sur la vitre avant de son véhicule une plaque officielle garnie d'un caducée de médecin qui lui permettait de circuler librement sans être fouillé par une quelconque brigade allemande. Il prépara son Ausweis, une sorte de laissez-passer, l'autorisant à transporter du matériel médical et des doses d'anesthésiant achetées chez son fournisseur à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Ce périple n'était bien sûr qu'un prétexte pour se rendre à Renescure, entre Saint-Omer et Hasbrouck, chez Frédéric Donnet, afin de retirer un des postes émetteurs parachutés la veille par les Anglais. Léon Duvillier emprunta la route en direction de Dunkerque, puis bifurqua vers Boulogne-sur-Mer, et après plus de 70 kilomètres parcourus, arriva sans encombre au cœur du village de Renescure, où il reconnut aussitôt la modeste longère flamande de Donnet. Ce dernier l'attendait, en toute discrétion, dans une petite cour, à l'arrière de son habitation. Frédéric Donnet était un type plutôt austère et peu bavard, qui accueillit Léon Duvillier dans un silence monacal digne des cisterciens. L'abord ne fut pas des plus chaleureux, mais Léon Duvillier n'était pas là pour créer des liens d'amitié et se faire un nouveau copain. Sa seule et ultime mission était de récupérer une grosse caisse métallique contenant le matériel de transmission, ce qu'il fit dès son arrivée. Sans dire un mot, de son air bougon et méfiant, Donnet chargea le coffre de la berline de ce lourd fardeau et fit aussitôt un clin d'œil à Léon pour lui signifier la fin de sa mission. Enfin, les deux hommes se saluèrent cordialement par une chaleureuse poignée de main, et Duvillier reprit la route dans le sens inverse. En chemin, il ne rencontra qu'une modeste patrouille de la Felle de gendarmerie qui stoppa momentanément son véhicule. À la vue de sa plaque de médecin, les soldats le laissèrent repartir sans fouiller sa voiture. Après un trajet de plus de 2 heures, Léon Duvillier emprunta enfin la longue allée arborée et arriva devant les grilles ouvertes de son château où l'attendait un comité d'accueil des plus sympathiques. Louis, Clémence, Hubert et Claire étaient déjà là, parapluies en main, sous une pluie battante, impatients de découvrir ce nouveau matériel flambant neuf qui leur permettrait bientôt de communiquer avec Londres. Léon ouvrit son coffre et la petite équipe put extraire le lourd conteneur métallique afin de le monter péniblement au grenier par l'imposante cage d'escalier. Durant plus d'une heure, Duvillier traduisit la notice technique rédigée en anglais et fit les premiers essais de connexion en choisissant la fréquence de l'antenne radio mobile STAD installée en France, à Marc-en-Barœul. Celle-ci était sous le contrôle du réseau de résistants Alliance, auquel appartenaient Claire et Hubert, les parents de Louis. C'est à ce réseau en lien direct avec Londres que Léon, Claire et Hubert avaient décidé de transmettre un message codé qu'ils durent créer. Cela permettait surtout de signaler exactement la position géographique de l'antenne du col de Luynes aux Anglais, afin qu'ils puissent la détruire au plus vite par un raid aérien programmé. Les trois compères prirent la décision de rester dans la plus grande discrétion durant 15 jours et d'attendre finalement le début du mois de mai 1944 pour diffuser leur annonce officielle. Alors que le docteur Duvillier avait repris ses activités de chirurgien-dentiste, et continuait à recevoir comme si de rien n'était ses patients dans son cabinet situé au milieu du parc, Louis et Clémence étaient devenus les nouveaux gardiens des ondes. Toute la journée, ils se réfugiaient dans le grenier, à proximité du nouveau poste radio, et s'étaient totalement investis dans ce jeu de rôle, prenant leur nouvelle mission très au sérieux. Dans l'insouciance de leur jeune âge, ils lisaient tout de même des bandes dessinées et des romans policiers, ou jouaient aux cartes avec Hubert et Claire, avant de scruter et surveiller par l'unique tabatière nichée sur le toit du château la campagne environnante pour enfin s'endormir chacun de leur côté sur de vieux matelas remisés. Le mercredi 3 mai 1944, au petit matin, Léon réveilla soudainement toute la maisonnée au son d'une clochette de service, parcourant de long en large comme un fou le couloir du premier étage desservant l'ensemble des chambres. Hubert et Claire bondirent de leur lit en pensant immédiatement à une descente de la police allemande, tandis que Louis et Clémence purent s'extraire de leur monticule de couette au grenier. Louis. « Que se passe-t-il, monsieur Duvilliers ?» Léon. « Eh bien, c'est le grand jour !»« Quel grand jour ?»« Le jour de notre mission !» Clémence cria. « Mais oui, papa, enfin, nous allons pouvoir transmettre notre message aux Anglais !» Léon. « Ah, enfin, toi, tu as compris pourquoi je vous réveille si tôt !» Hubert et Claire esquissèrent un immense sourire de satisfaction tout en enfilant leur peignoir. Tel un chef scout, Léon reprit la parole de manière autoritaire comme s'il s'adressait à des soldats. « Allez, mes amis, je vous ordonne de me suivre. Nous allons pouvoir contribuer à changer le cours de l'histoire. » Tous, en file indienne, ils suivirent Léon et gravirent un à un les barreaux de l'échelle qui menait au grenier. Ce dernier souleva une bâche et dévoila devant leurs yeux ébahis, comme des enfants devant un nouveau jouet, le rutilant poste émetteur qu'il brancha aussitôt. Soudainement, en allumant l'interrupteur, ils entendirent une sorte de grésillement qui émanait de l'unique enceinte, ainsi que des bribes de voix lointaines et fantomatiques émises dans différentes langues. Léon, je vais émettre en grandes ondes et m'aligner sur le récepteur radio Stade à Marc-en-Barœul, dont la fréquence m'a été communiquée secrètement sous la forme d'un code transmis hier par un de mes patients, impliqué comme nous dans la résistance. Hubert. Tu vas leur communiquer ton message en morse ? Léon. Non, directement avec le son de ma voix. C'est plus simple et efficace. Le docteur Duvilliers se tourna vers Louis et lui tendit un petit papier qu'il avait extrait de la poche de son pantalon. Léon. Tiens, mon Louis, c'est toi qui parleras clairement dans le micro quand je te le dirai. Louis fut à la fois fier et surpris par la décision du docteur Duvilliers. Il lui demanda. Que dois-je dire exactement ? C'est simple. « Dès mon signal, tu n'as qu'à lire ce qui est inscrit sur ton bout de papier. » À 10h16, précise, Duvilliers appuya sur un gros bouton rouge et fit un clin d'œil à Louis qui se mit à lire lentement et d'une voix tremblotante les deux messages suivants. « Le sapin reste toujours vert. » Je répète, « Le sapin reste toujours vert. » « La tour Eiffel doit trébucher en Wallonie. » Je répète, la tour Eiffel doit trébucher en Wallonie. Quelques secondes plus tard, une voix grave confirma la bonne réception des messages et leur transmission à Londres. La lecture de cette missive orale à peine terminée, Léon Duvilliers ordonna à ses amis que l'on descende le plus vite possible à la cave ce matériel de haute technicité, afin de le dissimuler dans une des nombreuses oubliettes du château. Il ne fallait absolument prendre aucun risque. Les Allemands et leur système de captation radiogoniométrique avaient peut-être déjà repéré le signal émis par Léon. 8 jours plus tard, le 11 mai 1944, vers 3 heures du matin, tous furent réveillés par le grondement d'un terrible orage dont les éclairs étincelants enflammaient l'horizon du côté français. Louis et Clémence furent les premiers à se précipiter sur le balcon de la propriété afin d'admirer ce spectacle étonnant. Hubert, Claire et Léon comprirent très vite qu'il ne s'agissait nullement d'un phénomène naturel, mais bien d'une attaque aérienne par 2 escadrons de la Royal Air Force. Il s'agissait des premiers bombardements dans la région, annonçant une offensive des Alliés et particulièrement la destruction des installations ferroviaires de la gare de Tourcoing, à quelques kilomètres de là. En effet, ils virent au loin des tirs de la DCA allemande dans le ciel, sur ces petites forteresses volantes, qui devaient certainement être des avions américains de type Douglas A-20 Boston, escortés de quelques Spitfire supermarines anglais. En effet, ces mastodontes de métal larguèrent quelques bombes sur la rotonde du quartier du Sapin Vert à Waterloo, qui était une sorte d'immense gare de triage en béton administrée par la SNCF. Les voies de chemin de fer furent ravagées par les explosions successives qui avaient pulvérisé une 50aine de wagons et trains. Au point que les rues limitrophes à cette zone de fret, bordées de modestes habitations, avaient reçu de nombreuses pièces métalliques, dont des essieux et roues de locomotives, qui firent de nombreuses victimes. Par une erreur stratégique, les bombardiers ratèrent leur cible et touchèrent accidentellement l'usine textile Scalabre, à Tourcoing, tuant plus de 88 ouvriers belges. 20 minutes après ce grand fracas, Léon, Hubert, Claire et les enfants entendirent au loin le vrombissement des moteurs de cette armada volante qui lentement s'éloignait en prenant de l'altitude. Aussitôt, un avion se détacha de cette flottille aérienne et se dirigea curieusement à pleine vitesse vers le château en rasant la toiture. Tous se nichèrent instinctivement sous les lits et tables des chambres afin de se protéger. Ce n'était pas la propriété du docteur Duvilliers qui était visée, mais bien la ferme des Van Aldervelt, et particulièrement l'antenne du col de Luynes, située à 2 kilomètres de distance. Ils entendirent soudainement une énorme déflagration qui fit trembler le château. La propriété agricole des Van Aldervelt était en feu, et l'antenne avait été détruite par quelques coups de canon de 20 millimètres situés sous les ailes d'un Spitfire anglais. La colline était devenue un immense brasier, et Louis, Clémence, Hubert, Claire et Léon étaient bouche bée devant ce spectacle de désolation. Curieusement, ils ressentirent des sentiments partagés entre tristesse et joie d'avoir accompli une mission de la plus haute importance. Louis n'en croyait pas ses yeux. Il avait devant lui les conséquences spectaculaires des quelques mots qu'il avait simplement prononcés au micro du poste émetteur. Soudainement, il fut pris d'un sentiment de puissance qui le dépassait. Ce dernier avait l'impression d'être devenu une sorte de mage ou de démiurge ayant un terrible pouvoir par la parole. Les jours qui suivirent ne furent pas des plus réjouissants, puisque Léon Duvilliers avait reçu le coup de fil d'un ami partisan lui annonçant l'arrestation à Rennescure par la Gestapo de Frédéric Donnet et de ses hommes le 19 mai 1944. Dès l'envoi des premiers messages, les Allemands avaient détecté le nouveau poste radio qu'ils avaient essayé pour la première fois. Léon Duvilliers se sentait en danger et espérait qu'une seule chose, que Donnet ne le dénonce pas sous la torture. Sa mission la plus importante, concrétisée par la destruction de l'antenne du col de Luynes, étant terminée, il prit la décision de ne plus utiliser le nouveau poste émetteur anglais remisé à la cave, mais d'installer au grenier un simple poste radio TSF qui permettrait simplement de capter Radio Londres. Louis et Clémence eurent la charge de monter l'appareil dans leur antre afin d'écouter la multitude de messages assez mystérieux émis par Londres. Tous les soirs, c'était devenu une sorte de rituel familial. Hubert, Claire, Léon et leurs enfants étaient tous affalés sur de grands tapis d'Orient étendus dans les combles du château à écouter la voix solennelle de Frank Bauer émise par l'émetteur de Droitwich en Angleterre. Le 3 juin 1944, comme tous les soirs, en parfait maître de cérémonie, le docteur Duvilliers prit la parole tel un prêtre dans sa chaire. « Mes chers enfants, mes chers amis, la multiplication des messages émis par Londres que nous captons tous les soirs, présage de l'imminence d'un débarquement de nos amis américains sur nos côtes. Je ne saurais vous dire où ils vont débarquer exactement, mais nos réseaux de résistance, qu'il s'agisse d'Ali-France, d'Alliance ou des Brigades Blanches, sont sur le pied de guerre et attendent leur arrivée en préparant le terrain par de nombreux sabotages et attaques de convois afin de saper le moral de l'ennemi. Maintenant, écoutons la voix de la France libre. » Dès 20h15, Louis alluma le gros bouton du poste à galène et tout de suite ils entendirent les 4 coups rythmés d'une lugubre timbale suivie de « Ici Londres ». Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Yvette aime les grosses carottes. Je répète, Yvette aime les grosses carottes. La girafe a un long cou. Je répète, la girafe a un long cou. Les sanglots longs de l'automne. Je répète, les sanglots longs de l'automne. Le coq chante 3 fois. Je répète, le coq chante toujours 3 fois. Les chants les plus désespérés sont les chants les plus longs. Je répète, les chants désespérés sont les chants les plus longs. Ces messages, parfois comiques, firent rire aux éclats Clémence et Louis, qui furent aussitôt repris, par Léon de Villiers. Calmez-vous, les enfants. Derrière ces messages se jouent actuellement des drames humains. Et nombre de nos partisans risquent leur vie. Pour notre liberté. Oh, excuse-moi, papa, nos faux rires sont souvent incontrôlables. Hubert, vous avez certainement remarqué, cher Léon, que les carottes sont cuites. Cela veut dire que pour les Allemands, c'est bientôt la défaite. Léon. Oui, Hubert. Dans tous ces messages, il y a très certainement celui qui annonce le grand débarquement de nos amis alliés. Encore faut-il savoir décrypter lequel. Claire. Parmi ces messages, plus ou moins drôles, ceux qui se distinguent des autres sont les plus tristes et dramatiques. Hubert. Oui, tu as raison, ma chérie. Les termes « sanglots » et « chant désespéré » sortent du lot. Léon. Du reste, mes amis, le message « Les sanglots longs de l'automne » est extrait d'une poésie de Verlaine qui se termine par « Blesse mon cœur d'une langueur monotone ». Clémence. Oui, papa, tu as raison. C'est une poésie que j'ai dû réciter en classe quand j'étais petite. Hubert. Ce qui est étonnant, c'est que Londres a tronqué la rime de Verlaine. Claire. Oui, c'est bizarre. Pourquoi l'avoir raccourci? Léon. C'est en effet très curieux. Il faudra être attentif dans les prochains jours et écouter si le reste de ce poème de Verlaine est récité. Si c'est le cas, c'est que ce message marquant une durée dans le temps est de la plus haute importance pour tous nos réseaux de résistance. Hubert. Cela signifierait le débarquement des Américains? Léon. C'est bien possible, cher Hubert. Sur ces belles paroles encourageantes, tous allèrent se coucher. Le lendemain matin, Léon Duvilliers avait appris par le livreur de charbon, appartenant à son réseau de renseignements, que la Gestapo de Lille était en pleine débâcle, puisque les locaux de la rue François de Batz, à la Madeleine, avaient été abandonnés par les nazis. En effet, les membres de la Gestapo, dirigés par Walter Paarmann, chef des SS, s'étaient retranchés dans des locaux provisoires, avenue Saint-Maur, à la Madeleine, avant de prendre la fuite. Léon avait été également informé par ses amis des Brigades Blanches que le message « Les carottes sont cuites » s'adressait avant tout à un réseau de résistants normands, appelés les ventriloquistes, qui avaient entamé le sabotage de voies ferrées entre la Normandie et la Bretagne. Par toutes ces informations, il avait enfin la confirmation que le débarquement aurait bien lieu en Normandie et pas dans le Pas-de-Calais. Depuis quelques jours, la BBC à Londres n'arrêtait pas de répandre sur les fréquences radio des milliers de messages, pour la plupart mensongers, afin de mieux tromper l'ennemi et dissimuler de vrais ordres aux partisans extrêmement actifs. Le 5 juin 1944, Léon Duvilliers, tout comme la 15e armée allemande basée à Tourcoing, avait bien capté le reste de la poésie de Verlaine, émise par Londres parmi les 350 messages diffusés. En effet, un seul se distinguait bien des autres. « Blesse mon cœur d'une langueur monotone. » Le lendemain matin du 6 juin 1944, en se réveillant, le docteur Duvilliers n'avait pas encore eu connaissance de la plus grande opération militaire de l'histoire. En effet, plus de 156 000 hommes débarquèrent sur les plages normandes, pendant que 3 000 avions américains déversèrent des tonnes de bombes sur les défenses côtières allemandes. Léon reçut très vite un coup de fil d'un de ses cousins installé dans le Cotentin, lui annonçant la bonne nouvelle. En fin de matinée, Duvilliers convoqua Hubert et Claire dans son boudoir afin de les avertir. « Cher Hubert et Claire, c'est enfin le jour J. Je viens d'être prévenu par mon cousin Roger habitant la Normandie. Là-bas, c'est l'enfer. Il pleut des tonnes de bombes et nos amis américains ont enfin débarqué sur les plages. Il y a beaucoup de victimes, y compris de pauvres civils. Mes amis résistants sont en pleine action pour mettre en déroute les armées allemandes. Hubert, que pouvons-nous faire à notre niveau ici, en Belgique ? Je pense qu'il est temps que nous agissions en patriotes et que nous puissions rejoindre un groupe de partisans pour libérer l'île. Claire, vous êtes sérieux, Léon ? Vous allez nous quitter ? Léon, oui, Claire. Votre mari et moi-même ne pouvons rester inactifs au château. Je suis sûre que vous vous occuperez bien de ma fille Clémence et de votre fils Louis. Je compte sur vous. Ce sera pour eux un véritable déchirement de vous voir quitter le château, surtout pour Louis, qui a vu son père se séparer de lui une première fois à Tourcoing. Ne t'en fais pas, ma chérie, je leur expliquerai. Louis comprendra certainement mon engagement dans la résistance. Une heure après cet entretien, Léon, Hubert et Claire convoquèrent les enfants dans l'étroite pièce qui servait de fumoir. À la vue de leur triste mine, Louis et Clémence comprirent très vite que l'ambiance n'était pas à la fête et qu'il se passait quelque chose de grave. Léon. Les enfants, asseyez-vous devant moi. Nous avons deux nouvelles à vous annoncer. La première est que le grand débarquement a eu lieu en Normandie. Nos amis américains, anglais et canadiens se battent en ce moment pour libérer la France. La seconde nouvelle est mon départ du château avec Hubert, afin de rejoindre les forces françaises de l'intérieur, appelées communément FFI, en vue de libérer l'île et la région. Ici, nous nous sentons totalement inutiles, alors que nos amis américains vont bientôt pointer leur nez. En entendant les propos impératifs et vindicatifs de Léon, épris de patriotisme, Louis et Clémence fondirent en larmes. Hubert se précipita vers son fils et l'étreignit de toutes ses forces dans ses bras protecteurs. « Mon Louis, tu peux comprendre que je dois me battre aux côtés de mes camarades partisans pour libérer la France et la Belgique. Ne t'en fais pas, je reviendrai le plus vite possible quand nous aurons écrasé les Boches. » Clémence, en pleurs, réagit aussitôt. « Papa, je ne veux pas que tu m'abandonnes. Depuis la mort de maman, je n'ai plus que toi à mes côtés. » « Léon, je ne t'abandonne pas, Clémence. Maintenant, tu es grande et tu sais te débrouiller seule. Je compte sur Louis pour te protéger. C'est un jeune homme maintenant. De plus, Claire sera là pour veiller sur vous. » Amicalement, Léon prit son ami Hubert par l'épaule et tous deux sortirent de l'étroite pièce afin de fumer un cigare entre hommes pour mieux se détendre. Alors que l'été 1944 fut un enfer pour les malheureux Normands et les troupes alliées, embourbés dans les bocages sous le feu nourri d'une féroce riposte allemande, la campagne wallonne était l'un des derniers endroits encore épargnés où Clémence et Louis pouvaient vaquer à leurs loisirs d'adolescents privilégiés et vivre en toute clandestinité leur amour naissant. Le château de Léon Duvillier était équipé d'un grand bassin aux eaux claires faisant office de piscine dans laquelle les deux jeunes gens s'ébattaient quotidiennement comme des chiots insouciants, essayant de trouver un moyen de se rafraîchir sous des températures plutôt élevées pour la saison. La seule chose qui minait leur morale et les chagrinait profondément était le départ programmé de leurs pères respectifs, en vue de futures opérations de résistance contre l'occupant nazi. Du reste, Léon et Hubert durent attendre patiemment jusqu'au 20 août 1944, date de l'unification des mouvements de résistance du Nord et de la Belgique, au cours d'une réunion dans une ferme à la sortie de Maubeuge, qui rassembla les principaux chefs de l'action armée autour du valeureux Jean le Jeune, dit le colonel Bastien, chef régional des FFI, juste avant son arrestation à Cambrai par la police de Vichy. Léon reçut un obscur message de Radio Londres sur son poste TSF, et les deux compères purent ainsi rejoindre au petit matin du mercredi 23 août un miteux café belge tenu par un certain Carpentier, situé dans le quartier des Ballons, à Herzo, afin de recevoir une formation au maniement des armes automatiques et à la pose de charges explosives. Quelques jours après cet apprentissage très particulier dans les caves insonorisées du bistrot fermé, on les transféra de nuit, avec un camion de livraison de bière qui arriva rue Pierre-le-Grand, dans le quartier de Fives, à Lille. Ils purent ainsi rejoindre une petite garnison de partisans surarmés, cantonnés au premier étage d'un ancien garage automobile, prêts à en découdre avec l'ennemi qui vivait certainement ces dernières heures. À Paris, leurs camarades des unités de FFI venaient de libérer la capitale, après d'intenses combats entre le 19 et le 25 août 1944, grâce à l'appui des blindés du général Leclerc en provenance de Normandie. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le 1er septembre 1944 fut une journée importante, puisque des troupes anglaises étaient déjà aux portes d'Arras. En ce début du mois, les premiers indices de la retraite des troupes allemandes étaient déjà apparents dans la région. D'incessants mouvements de convois militaires circulaient sur les routes entre la France et la Belgique. Ce vendredi 1er septembre 1944, les chefs militaires de la résistance se réunirent dans une école de Fives, à deux pas de la planque surveillée en permanence par Hubert et Léon. En ce début d'après-midi du samedi 2 septembre, Hubert et Léon entendirent des grincements de chenilles sur les pavés, Ils tirèrent légèrement le rideau qui occultait la fenêtre de leur local. Les deux amis observèrent la retraite d'un cortège de soldats de la Wehrmacht suivant à pied une dizaine de panzers qui signifiait bien la débâcle. Il s'agissait surtout d'un petit détachement de service qui, dans l'urgence, essayait de se replier vers la Belgique afin de rejoindre l'Allemagne. Soudainement, Léon et Hubert, totalement tétanisés de peur, eurent l'ordre de se poster les premiers en embuscade à chaque fenêtre de l'immeuble, afin de viser avec leur mitraillette la petite troupe en queue de peloton de ce défilé grotesque. Après un long moment de tension palpable, le corps tremblant et fébrile, ils tirèrent les premiers sur les quelques soldats allemands qui ripostèrent immédiatement. Les chars en tête de défilé ne purent réagir à cause de l'étroitesse de la rue, mais un fantassin posté sur le haut d'un camion braqua sa mitrailleuse vers l'immeuble où une trentaine de résistants tiraient depuis plusieurs minutes en feu continu. Léon fut touché à la tête et s'effondra sur le plancher, tandis qu'Hubert, choqué par la violence de la scène, ne réagit pas sur le coup, mais vida avec hargne le contenu de son chargeur sur les derniers militaires encore en vie. Les balles d'une ultime salve de mitrailleuses allemandes traversèrent les murs du petit local, pulvérisant les quelques meubles et cadres accrochés au mur. Malgré toute la prudence d'Hubert face à cette réponse des forces armées du Reich, ce dernier sentit une profonde douleur à la jambe gauche. Dans un réflexe de survie, il se coucha lentement sur le parquet et remarqua que son pantalon était maculé de son propre sang. Quelques secondes après, il perdit connaissance. Les quelques résistants épargnés lors de cette bataille de rue se replièrent et quittèrent assez vite l'immeuble par un escalier de secours, tout en évacuant rapidement à l'arrière d'un camion garé dans une ruelle adjacente les corps des quelques victimes et blessés. C'était une hécatombe dans les deux camps. La rue enfumée était jonchée de matériel militaire allemand en feu, détruit par les jets de grenades des partisans qui avaient réussi leur attaque surprise. Dans ce chaos, le reste de la troupe ayant survécu à ce grand fracas prit immédiatement la fuite en rejoignant les blindés, sans risquer de fouiller l'immeuble piégé et déjà incendié par les FFI. Vers 18 heures, la ville de Lille était enfin libérée. Le lendemain matin, vers 11 heures, Hubert ouvrit les yeux et prit immédiatement conscience de son état. Il était là, au cœur du château, gisant dans le grand lit de sa chambre, entouré des siens, le corps droit et la jambe gauche bandés afin de résorber ses plaies profondes. Sa main était tenue par son fils, Louis, et sa femme, Clémence, tous deux en pleurs, qui l'embrassèrent aussitôt sans dire un mot. Une jeune infirmière lui tendit un grand verre d'eau, tout en surveillant la bouteille de perfusion qui pendait sur une tige métallique. Hubert, encore choqué, n'avait pas la force de parler, mais fit un petit signe à sa famille. Il remarqua très vite l'absence de Clémence à ses côtés et sentit une prégnante odeur d'encens funèbre qui exhalait du couloir. Ce dernier se mit à sangloter et comprit très vite la situation. Léon Duvillier était mort à la suite de ses blessures à la tête, et sa fille Clémence, dont on entendait les gémissements résonner au fond du corridor, devait très certainement veiller au corps de son père dans une chambre voisine. Cette jeune orpheline se retrouvait maintenant livrée à elle-même, au cœur du château de ses parents disparus, seule à devoir surmonter les difficultés de sa vie d'adulte bien plus tôt que prévu. Une semaine après le drame, Léon Duvillier fut inhumé dans le parc de la propriété, en présence de quelques résistants lillois qui avaient participé au guet-apens contre les troupes allemandes. La cérémonie funèbre, en présence de sa fille Clémence, de Louis et Claire, ressemblait plus à un hommage militaire qu'à un rassemblement familial. Hubert fut la seule personne physiquement absente qui assista tout de même à distance aux obsèques de son ami. En effet, on avait placé son lit contre l'une des fenêtres de sa chambre, donnant directement sur l'immense jardin, afin qu'il puisse tout de même apercevoir l'enterrement de Léon. Durant l'oraison, puis l'homélie du jeune prêtre devant le cercueil, Clémence eut un soudain malaise, et deux partisans l'emmenèrent immédiatement dans le grand salon, afin qu'elle puisse s'allonger et retrouver ses esprits. Louis la rejoignit sur le champ et lui apporta une grande carafe d'eau fraîche remplie de glaçons. Avec tendresse, il humecta délicatement son front et sa bouche. Par-delà ces quelques gestes de secours et de premiers soins, Louis se rendit compte qu'il avait une profonde affection pour Clémence, qu'il s'était promis de ne jamais quitter et surtout de ne pas abandonner après cette terrible épreuve. Au bout de quelques minutes, Clémence revint à elle, lui fit un grand sourire afin de le rassurer. Elle n'eut pas le courage de rejoindre la cérémonie qui, du reste, était déjà terminée, puisqu'on entendait au loin l'assistance chantant en chœur la Marseillaise, suivie de la Brabançonne. Les quelques partisans revinrent au château afin de défiler un à un devant Clémence pour lui transmettre tout leur soutien et leurs sincères condoléances. Ils félicitèrent Louis pour son engagement et son courage dans cet acte de bravoure contre l'ennemi au col de Luynes. En effet, ils avaient bien entendu sur leur radio mobile sa petite voix fluette lisant le message que lui avait transmis pour la dernière fois le regretté Léon Duvillier. L'un d'entre eux s'approcha d'Hubert et s'agenouilla à son chevet afin de lui souffler à l'oreille une dramatique confidence. Le résistant. « Camarade Hubert, j'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer et qui vient malheureusement s'ajouter à la disparition de notre ami Léon Duvillier. En effet, il y a quelques jours, le 1er septembre 1944, le chef SS Walter Paarmann, responsable de la Gestapo de la Madeleine, a ordonné le transfert par camion à partir de la prison de Loos de 871 prisonniers vers la gare de marchandises de Tourcoing. Ces malheureux ont tous été entassés comme des animaux dans des wagons à bestiaux et envoyés par train vers les camps de la mort en Allemagne. Malgré notre tentative de stopper la locomotive au niveau du pont Cocheteux à Vatrelo, nous n'avons rien pu faire, car les troupes SS étaient en surnombre par rapport à nos hommes. J'ai appris notamment que parmi ces centaines de condamnés se trouvait une certaine Justine Denecker, cette jeune femme qui t'a sauvé la vie en te prévenant de ta prochaine arrestation par ce maudit Kurt Kohls. C'est l'une des rares femmes de ce convoi de la mort qui n'a pas été relâchée par ces pourris nazis. Quant à son frère, Michel Denecker, ce salopard collabo, il s'est littéralement volatilisé et nous ne savons pas où il se cache. Hubert, sans dire un mot, se mit à sangloter en repensant à sa très chère cousine par alliance qui avait donné sa vie en sacrifice pour sauver sa propre famille en détresse et particulièrement son petit cousin Louis, devenu un adolescent héroïque. La vie reprit son cours au château Duvillier et après quelques semaines de convalescence dans son grand lit à baldaquin, Hubert commença à reprendre des forces, retrouvant petit à petit l'usage de sa jambe gauche. Lentement, ce dernier faisait quotidiennement le tour du parc à l'aide de ses deux béquilles, toujours accompagné d'une infirmière mise à disposition par les réseaux de résistance. À partir du mois de décembre 1944, un événement marquant le tournant de la guerre fut une occasion de plus pour réunir tous les soirs la petite famille à 20 heures précises autour du gros poste TSF installé sur une table du salon. Les Américains étaient entrés en Belgique par les Ardennes, et les combats avec les dernières troupes allemandes furent intenses. Clémence et Louis n'avaient qu'une idée en tête, accueillir les Yankees au sein du château après la défaite des Boches et organiser une grande fête dès la libération de la Belgique. Ce projet fantaisiste amusait beaucoup Hubert et Claire, encouragés par ces deux adolescents très optimistes, leur redonnant un peu de joie et une lueur d'espoir. Du reste, afin de préparer cet hypothétique événement, Clémence descendit du grenier sa vieille machine à coudre de Marc Singer afin de confectionner un grand drapeau aux couleurs nationales à partir de 3 morceaux de tissus usagés retrouvés au fond d'une malle. Finalement, elle passa plusieurs soirées à assembler 3 immenses rideaux de couleurs noires, jaune moutarde et rouge carmin qui, sous ses doigts experts et comme un présage positif, devenaient les emblèmes patriotiques d'une future victoire sur l'ennemi. Son ouvrage était tellement démesuré que Hubert eut l'idée de le laisser pendre sur le balcon du premier étage à la vue de tous. La demeure historique était devenue l'ambassade imaginaire d'une Belgique en voie de retrouver sa liberté. Louis et Clémence en étaient les diplomates officieux, à défaut d'être nommés officiellement les représentants de cette petite nation opprimée mais combative. Par la grâce du ciel, l'intuition de Louis et Clémence fut confirmée le 24 janvier 1945 par une excellente nouvelle qui circulait déjà de bouche à oreille à travers tout le pays. Les Américains avaient terrassé les blindés de l'armée allemande à Bastogne, et les forces anglaises et polonaises avaient repris la Hollande. Toutes ces valeureuses troupes étaient en voie de libérer définitivement la Belgique. Le 7 mai 1945, l'acte de reddition des armées du Troisième Reich fut signé à Reims et le lendemain, tous les combats cessèrent. Le dimanche 13 mai 1945 fut une journée particulièrement festive au château, puisque Clémence et Louis organisèrent un grand banquet avec l'aide des habitants du village d'Herzau qui avaient tous apporté des vivres. Parmi les convives se trouvaient de nombreux résistants et amis de son défunt père, le bourgmestre de la commune, ainsi que sœur Rose, accompagnée des religieuses de la communauté des Clarisses de Roubaix. Devant la centaine d'invités, Louis demanda qu'on fasse un peu de silence. Il se mit debout sur sa chaise, tel un homme politique, face à des militants acquis à sa cause. D'une voix emplie d'émotion, il remercia tout le monde et annonça la stupéfaction de tous ses fiançailles avec Clémence. Ses parents, très émus, se réjouirent de cette décision, tout de même prématurée, au vu de leur jeune âge. Dans sa 15e année, Louis, sous les applaudissements de toute cette foule réunie, était devenu un homme qui, par son courage et sous les yeux admiratifs de sa promise, avait prouvé qu'il tenait entre ses mains sa destinée. Après la guerre, Louis et Clémence durent attendre l'année 1947 pour officialiser leur union devant un officier d'état civil de la mairie de Tourcoing. À cette occasion, le jeune homme fut décoré de la médaille de la Résistance et les noces du très jeune couple furent célébrées au cœur de l'église Saint-Christophe dans la cité de Brouteux. Quelques mois après toutes ces réjouissances, ils héritèrent de la fortune du docteur Duvilliers, ainsi que du château herzautois qu'ils transformèrent en hôtel de luxe. Ils le baptisèrent « Hôtel de la Victoire » en hommage à tous ces hommes qui avaient sacrifié leur vie pour libérer la France et la Belgique. Suite à une rapide formation dans une école hôtelière de Bruxelles, Louis devint le plus jeune restaurateur du pays et surtout le chef cuisinier étoilé de son propre établissement, administré par Clémence avec l'aide de Claire. Quant à Hubert, ce dernier avait pu rouvrir son cabinet de médecin généraliste, retrouvant avec joie et compassion l'ensemble de ses fidèles patients tourquenois.